toutes et tous et bienvenue dans le Mag Radioactive. Aujourd'hui, Zoom sur un spectacle gratuit proposé par la ville d'Amboise et qui aura lieu ce jeudi 25 juillet à 20h30 devant l'étiquetable de l'Île d'Or à Amboise. Un spectacle à la croisée des chemins entre hip-hop, burlesque et théâtre d'objets. Ce spectacle, c'est Trajectoire et ce sera interprété par la compagnie Pyramide. Alors la compagnie Pyramide, elle est originaire de Charente-Maritime et elle véhicule depuis 25 ans la danse hip-hop et les cultures urbaines en France, mais aussi à l'étranger. Ce qui fait l'essence même de Pyramide, c'est sa volonté de partager et d'échanger autour d'univers artistiques divers et d'origines différentes. Exploitant le mime, le théâtre d'objets et le burlesque, la compagnie défend donc sa démarche artistique singulière dans le paysage hip-hop. Au fil de ses créations, elle a également souhaité se produire dans des lieux atypiques, comme des musées, des bibliothèques ou encore dans la rue, privilégiant encore et toujours la proximité avec son public. Pyramide, c'est aussi un collectif qui, depuis ses débuts, allie démarche artistique et action pédagogique. La preuve, en 2023 est née l'école de danse Pyramide School, qui a développé des sessions de formation pour des jeunes danseurs devenus pour certains professionnels et même membres du collectif. Alors le spectacle Trajectoire, qui sera présenté ce jeudi 25 juillet en accès libre, Lionel Chisson, adjoint à la culture à Amboise, était venu nous en parler il y a quelques semaines. On l'écoute. Le 25 juillet, on va voir un spectacle qui s'appelle Trajectoire, où là on est sur de la danse. À la base, c'est plutôt du hip-hop, mais c'est un spectacle qui est aussi très théâtralisé. En plus, avec vraiment aussi une approche où on cherche aussi à être en contact du public, à mettre le public dans le spectacle. Donc, c'est à 20h30 et ça se passera sur l'île d'Or, sur le parking, devant l'étiquetable. Mm-hmm. Donc, spectacle hip-hop, mais un peu interactif, à la rencontre du public, au contact. Donc, je pense que ça aussi, c'est une très belle proposition. Voilà. Une très belle proposition en effet et gratuite avec 5 danseurs exceptionnels sur scène. Une pièce chorégraphique intense et immersive entre hip-hop, burlesque et théâtre d'objets, mêlant habilement poésie et énergie, à découvrir et partager en famille. Rendez-vous donc jeudi 25 juillet devant l'étiquetable de l'Île d'Or à Amboise à 20h30. On se quitte avec le teaser de ce spectacle que vous pourrez visionner sur la page Facebook de Radioactive 93 et 94.7 FM. J'ai toujours aimé écouter les silences. De tout temps, on se laisse manipuler par le bruit. Moi, il fut un temps où j'étais assis à votre place. J'étais subjugué, fasciné par cet espace de liberté, la scène. Là où l'injure devient poésie et le corps une arme. En tout cas, c'était comme ça que je le voyais enfant. Avec mon père, il n'était pas possible de vivre de la danse. Et encore pire avec les collègues de quartier. Danser, c'est pour les filles. Alors pour vivre mes rêves, il a fallu leur faire croire que je continuais l'école. Pour les gens, j'étais perçu comme un fou. Ça me blessait, mais quelque part j'aimais ça, être différent. Et puis, mon père n'est plus là. Je passais toutes mes nuits à fixer le ciel. Je me disais qu'avec la fatigue aidant, il finirait par cesser de s'accrocher aux étoiles et moi je serais là pour amortir sa chute. Il pleuvrait, mon père et bien d'autres. Et peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu danser ensemble.